fly. De l'eau cristalline sur les rochers. De l'eau des montagnes. Thank you. vagabond. Dieu, va-t'en, tu me fais peur. Des espoirs fous car jusqu'à maintenant jamais démenti jusqu'alors. Ouais, on y va. On explore. What a pleasure to play with you. Nous y croyons encore. Par quelle illusion, par quel artefact, artifice, ça tient. Maltraité. Thank you. Certains ont dit qu'ils avaient vu la lumière en haut, comme une montée vers le ciel. Ne permettez pas. croisés entrelaçant. Avant. go. Jamais comment le système, comment chacun est pris dans le... En fonction de la place dans le système. En fonction de la place, à mon avis, ça change tout. Dans quoi on est pris, dans quoi on est broyé, comment le rouleau compresseur continue d'avancer. Tendu. comment libérer, désarçonner, distrait. Comment on se réveille un matin, qu'on se dit stop, suffit, ça va faire beaucoup trop pour moi. Regarde, toi. Thank you.